zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Véronique Mire ouvrira son Véronictionnaire, oui, pour nous parler en rond et en large lettres. Oh! Et Sébastien Dieu nous livrera une chronique touchante sur Vicky Gendreau dans Va voir je suis. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 11 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui, ben, Colin, j'ai peut-être un petit peu moins d'entrain dans l'intro, mais Colin, je suis seul ce matin. Je me sens un petit peu abandonné, mais Jean-Philippe Charbonneau va être de retour lundi et Stéphanie Paradis va être de retour la semaine prochaine et qui devait chroniquer ce matin, mais est malade. Le pauvre chouette est tout le temps malade ces temps-ci. On est juste un extrêmement bon prompt rétablissement, quoi qu'à date, ça n'a pas l'air à ça. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va voir Véronique Mire à 8h. Pour sa chronique, le Véronictionnaire, et aujourd'hui, c'est la lettre O, donc on va entendre parler de plein de mots qui commencent par la lettre O. On a sorti quelques-uns hier, là, j'avais dit orifice, donc j'ai hâte de voir si ça va se réaliser. À 8h30, le retour de Sébastien Dulieu et sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. C'est une chronique éditoriale culturelle. Il nous parle d'une, je crois que c'est une poète, Vicky Gendreau, première partie tout à l'heure, donc une personne qui est décédée récemment. Ça va être assez émouvant tout ça. Ça, c'est à 8h30. On va aussi faire nos chroniques maison comme Kinky Sexy Time en début d'émission. La chronique pour un public plus ou moins averti. Les paroles des autres, plus tard dans l'émission, où on écoute une chanson thème d'une chronique dans l'univers de Mathieu Plante. Et à 9h, Sex Mais ça devrait répondre là, la chronique de gadgets inutiles. Et ça, Colin, chronique d'équipe d'habitude. Fait que tu sais, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on commence avec une chanson de Bear Mountain sur leur album qui s'appelle XO. Voici un extrait du palmarès anglophone, c'est Two Step. Sur C'est Fou 89 FM, bonne émission. Mano à mano, aujourd'hui, on va s'amuser quand même. Guili guili. Hein? C'est une relation de même, vous et moi. Yeah!

Au retour de la chronique de Sébastien Dulude, Va voir J'y suis à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées, en ce mercredi 11 septembre, mais le temps passe pas si vite que ça quand même. 2013, je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Chabonneau est en congé. Faut croire aujourd'hui et demain. On va être de retour lundi. Même chose pour Stéphanie Paradis qui sera avec nous d'habitude le mercredi. On le dit encore une fois, mais elle est un peu malade cette semaine, donc pauvre elle. Plus tard dans l'émission, Sébastien Dulude devrait être avec nous pour sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis, qui est il est là aux deux semaines, ce Sébastien Dulude. Si je peux vous parler un petit peu de ce qui s'en vient plus tard aussi, ça est-ce que ça devrait pas, on l'a, la chronique de gadgets inutiles, je vais vous faire ça en toute fin d'émission. Mais pour l'instant, on va entendre une pièce du palmarès anglophone. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle est rendue en position numéro 8. Ça monte de 4 places. C'était en 12e, donc la semaine d'avant. Hein? Je sais compter. Voici Astra et Home sur l'album Olympia. Keeping you. pièce de l'album Olympia de Ashtra, c'était Home à Assemblage Requis, 89.1 FM. Et il est de retour enfin, ça fait longtemps qu'on attendait, je pense qu'on n'y a pas parlé depuis la fin de la session d'hiver passé. C'est Sébastien Dulude qui est avec nous pour sa chronique. Voici Va Voyeur, j'y suis. Oh, je pensais que je baissais la bonne affaire. Bonjour. Ah, salut Mathieu. C'est bien de t'entendre ça un peu, pareil. C'est le fun, c'est le fun. Et c'est pas vrai qu'on t'a pas entendu, parce que tout l'été, ouais. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y avait l'émission Aucun autre requis, et on rejouait tes chroniques. Oui, fois. Je sais ça, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais. Génial. Donc, t'es de retour au Zone Campus, t'écris dans chaque numéro ou presque. Oui, ça va être à chaque parution, donc aux deux semaines, ouais. Et la semaine suivante l'apparition, tu vas venir nous lire ton texte en nombre. C'est ça, exactement. Puis, donc c'est ça, je touche encore au sujet de culture avec un angle. Bon, j'essaie de faire grincer les portes un peu pour les ouvrir autant que possible. Les slammer des fois. Ouais. Bon, l'année passée, j'ai parlé beaucoup de culture régionale, à la ville, des problèmes qu'il y avait... J'avais l'impression que si je recommençais encore déjà là-dessus en septembre, j'aurais peut-être tourné en rond. Là, pas, bon, c'est encore les mêmes dossiers. Là, on s'en va en élection municipale. C'est évident qu'on va parler de l'amphithéâtre, de la gestion épouvantable, des priorités absolument épouvantables des gens en place au niveau de la culture, des choix qui sont faits des fois, qui sont complètement rocambolesques. Mais... ce qui s'est passé, en fait, cet été, c'est que j'avais envie de préparer quelques chroniques d'avance, avoir des sujets qui se plaçaient un peu n'importe quand. Dans intemporel. La... Ouais, c'est ça, moins collé sur l'actualité. Et donc, mes premières chroniques cette session, les trois premières, dont celle-ci est la première, seront consacrées à une amie qui s'appelle Vicky Gendreau, qui est une écrivaine qui a eu une très, très brève carrière. Elle est décédée en mai dernier. Et puis, elle a fait parler d'elle un peu. Elle a sorti un livre choc qui s'appelle Testament, où elle met en scène sa propre mort. C'est une fille magnifique que j'ai rencontrée. J'ai eu la chance de la connaître un peu. Et je voulais surtout mentionner qu'elle a passé à Trois-Rivières pas mal de temps. Donc, je voulais montrer un peu les liens qu'il y avait. Donc, essayer de voir comment les gens peut-être ici qui la connaissent pourraient comme en plus être intéressés de savoir qu'elle a eu développé des liens avec Trois-Rivières. Et connaître Vicky, c'est vraiment vivre constamment des expériences rocambolesques. C'est vivre à 200 000 à l'heure. Et puis, c'est en plus une artiste extrêmement douée. Donc, il y a vraiment tout plein d'aspects intéressants à regarder à ça. Et moi, pour moi, c'est une façon un peu de me souvenir de Vicky en mettant l'accent sur nos rencontres à Trois-Rivières et les prétextes qui étaient derrière ces rencontres-là ici. Super. Alors, ça risque d'être un petit peu difficile par moment, j'imagine. Ouais, ben c'est sûr, c'est sûr. Il y a de la tristesse à travers ça. Écoute, perdre un ami à 24 ans, ouais. C'est... c'est sûr qu'il y a quelque chose de tant profondément triste, mais c'est ce que l'écriture permet, c'est la mémoire, garder en faire du beau avec n'importe quoi, avec même le plus difficile. Donc c'est un peu ça que je propose aujourd'hui. Peut-être moins d'ambiance c'est ce, sonore. C'est ce que j'allais dire, en fait, j'allais justement le proposer. Je pense que ce serait le moment pour, comme dirait Danny Janvier, et on baisse la trame. On baisse la trame. Je vous lis ça, puis donc c'est une première partie de trois textes. Vicky was here. Le 11 mai dernier, donc, une de mes amies est décédée moins d'un an après un diagnostic d'une tumeur cancéreuse au cerveau. Elle s'appelait Vicky Gendreau et elle aura toujours 24 ans. Vous avez donc peut-être entendu parler d'elle. Vicky, avec moins de 6 mois, en fait, après son diagnostic, a réalisé son rêve d'être publiée comme écrivaine. Elle est entrée en littérature par la grande porte, vraiment, aux éditions Le Cartanier. Son livre « Testament », dans lequel elle met en scène sa propre mort, a connu un accueil critique absolument exceptionnel. On a invité notamment Vicky à « Tout le monde en parle », où, évidemment, sa condition de malade du cancer et aussi de jeune retraité des bars de danseuses ont attiré l'attention de Guillaume Lepage plus que son écriture. Mais ça, bon. On peut pas, en fait, s'opposer à ce qu'une écrivaine de qualité ait de la visibilité. Et de toute façon, c'est vrai qu'elle dansait. Et c'est vrai aussi qu'elle avait un cancer incurable. Donc, j'ai appris la nouvelle de sa mort après une heure seulement après son décès, ou une heure ou quelques minutes après, par Sophie, une amie qui tenait au courant les amis les plus éloignés, parce qu'elle est décédée à Montréal. La dernière semaine avait été difficile pour Vicky. Elle s'en allait. Carrément. Elle est morte un samedi matin où il pleuvait des cordes sur Trois-Rivières. Ce matin-là, je m'en souviens, je surveillais complètement trempé, vraiment un matin de... Je suis complètement trempé et je surveille un examen à l'UQTR. Et puis, c'est vraiment une journée merdique. Je pense que les étudiantes là, qui étaient dans la salle de classe ont vu que je pleurais. Puis, ça m'était comme complètement, parfaitement égal. Donc, j'écris ceci aujourd'hui parce qu'il existe un lien fort entre Vicky et Trois-Rivières. Elle a passé de bons moments ici et d'autres plus difficiles. Je me disais que ça vous intéresserait peut-être de savoir ça. Il faut savoir aussi que Vicky travaillait beaucoup avec sa propre vie dans son écriture. Donc, comme quelque chose de constant là, qui circulait entre la vraie vie de Vicky et la fiction. Mais tout ça peut être changé, adapté aussi. Donc, il y a un peu cette permission-là peut-être que je m'accorde en prenant un peu les mécanismes de Vicky, de prendre sa vraie vie puis de créer de l'écriture avec tout ça. Donc, Mais je vais m'en tenir à des souvenirs peut-être un petit peu réorganisés avec le temps, mais pas plus que ça. Mais je voulais surtout souligner que, en fait, de prendre des morceaux réels de la vie de quelqu'un et de raconter ça par écrit, ça donne toujours quelque chose de profondément fictionnalisé. Donc, parce que c'est ça l'écriture. Mais j'écris aussi, entre autres, pour sa mémoire, parce que aussi elle me manque. J'ai rêvé à elle quelques fois. J'essaie de pas oublier sa voix. C'est une grosse angoisse que j'ai d'oublier sa voix, d'oublier son drôle de rire. Son visage, je ne l'oublierai jamais. Ça, c'est certain. Mais c'est ça. J'arrive absolument pas à accepter qu'elle soit décédée à 24 ans. Je n'accepte tout simplement pas. Vicky, donc, je l'avais vue quelques fois dans des lectures de poésie à Montréal. C'était une fille d'une grande beauté, non, absolument stupéfiante. Elle avait 19 ans à l'époque. Des yeux immenses, des grains de beauté dans le cou, un corps superbe. C'était une danseuse nue, à ce qu'on disait. Un style d'écriture cru, trash, drôle à mourir, et puis slash, elle nous tranchait la gorge de beauté dans le détour. Fille réservée, mystérieuse, avec encore toute cette noirceur adolescente qui lui collait au corps. Mais le premier souvenir marquant que j'ai de Vicky, c'est à Trois-Rivières. C'est chez moi, dans la maison que je louais, rue Saint-Olivier. C'est un dimanche matin d'octobre 2008. Je viens d'emménager, mes boîtes sont pas encore toutes défaites, c'est vraiment parfait pour un party de poètes. Quelques heures auparavant, donc la nuit, une douzaine de jeunes poètes fous et sous se sont retrouvés chez moi après le deuxième off festival de poésie de Trois-Rivières qui se tenait alors au Charlot. Je me réveille complètement dévissé, c'est comme ouch, et je louche vers la droite et découvre avec perplexité qu'une fille flambant nue dort à mes côtés. C'est Vicky. Moi aussi, je suis tout nu. Aucun souvenir précis de m'être couché avec Vicky ne me revient, mais qu'importe. J'effectue un léger déplacement dans le lit et me colle doucement contre elle. C'est ce genre de lendemain où seule une fille nue à ses côtés peut rendre la vie supportable. Elle s'éveille et ne dit rien. Puis elle dit « Je suis pas à l'aise, là. » OK, je réponds. En fait, j'ai dit quoi? Comme, OK. Il y a quelque chose qui... Oh! OK. Je m'interromps. Il y a quelqu'un d'autre dans le lit. C'est mon lit, by the way. Hein? OK. Mais il n'y a donc pas un ni deux, mais bien trois poètes nus dans mon lit. Et il y en a clairement un qui est trop. Fait que je me lève, chancelant. Je me rappelle que j'ai une blonde. OK, good. C'est mieux comme ça. All right. Alors, je descends. Je suis au deuxième étage. Alors, je descends faire du café. La maison avait trois étages, en fait, mais pas tellement de possibilités d'hébergement. Cette nuit-là, une douzaine de poètes, donc sur le party, avaient trouvé des lits de fortune un peu partout dans la place. Le plus chanceux, à part Vicky puis l'autre poète, avait shotgunné le lit de mon fils. Là. Lui, il dormait bien. Puis il y en a d'autres qui ont niché sur le plancher du salon, deux autres sur mon divan, un petit divan de rien. Les autres ont opté pour le sous-sol où la salle de lavage avait pu fournir suffisamment de mon linge sale pour qu'ils puissent se patenter un mouton de vêtements en guise d'oreiller. Ça, c'est vraiment légendaire. J'ai fait du café pour tout ce beau monde, les mains tremblantes et heureux comme un poète libre. Et je les regarde s'éveiller, un à un peu confus, genre où on est ici ce matin. Il y a des verres pétés partout, des centaines de bouteilles vides. Il y a une pile de boîtes de livres là, qui a crissé le camp, complètement défaite. Il y a du vin renversé sur le mémoire de maîtrise de ma blonde. Non. Wow! Alors vraiment du très beau boulot. Et ils ont tous la gueule de bois et ont droit au meilleur café en ville, ça, c'est garanti. Alors, Vicky, donc, c'était un des offs, le premier off à laquelle elle a participé. Et elle a participé à tous les off festivals de poésie depuis, jusqu'en 2012. Presque à chaque année, il y a eu un party chez moi, après. Je me souviens qu'en 2010, Vicky a livré une performance absolument hallucinante. Elle brillait, son écriture s'était précisée. Elle avait trouvé une forme à elle. Elle avait vraiment un rythme complètement sauvage, des images vives, épileptiques. C'était comme un cinéma qui va trop vite, qui passe d'une chose à l'autre. C'était vraiment, vraiment plein pour les yeux, plein pour les oreilles. Puis, à ce off-là, en 2010, muni d'un épouvantable chapeau en forme de lèvres, Là, moi, j'avais cru qu'elle avait convaincu Jean-Paul Daou, mais on m'a dit que c'était plutôt Jean-Paul Daou qui, voyant ce chapeau en forme de lèvres, lui avait dit « Viens sous-titrer mon texte ». Il a lu donc son classique « Les lèvres ouvertes », alors avec Vicky derrière, qui faisait une espèce de sous-titrage complètement grotesque et burlesque. Donc, elle sous-titrait ça en direct avec ses grosses lèvres cochonnes sur la tête. C'est vraiment inoubliable. L'année d'après, en 2011, elle a lu ce qui m'apparaît être son meilleur texte à vie. Je pense que ça s'appelait quelque chose comme « Are you the ultimate Pac-Man ». Ça revenait cette phrase-là constamment, mais je ne suis pas sûr si c'est le vrai titre. Et il y a des fragments de ce texte-là qui se sont retrouvés ensuite dans Testament. Et vraiment, toute la salle avait été soufflée par cette lecture-là. Et elle a participé à son dernier off en octobre 2012. Je vous en parlerai dans ma prochaine chronique. Et en fait, ça va être dans la troisième. Et d'autres moments aussi qu'on a passé ensemble à Trois-Rivières. D'ici là, je vous suggérerais, si ça vous intéresse, de vous procurer Testament. C'est disponible très facilement en librairie. Je vous garantis que vous n'avez jamais lu un livre qui ressemble à ça. C'est cru, c'est dur, c'est drôle, c'est déconcertant, c'est magnifique. C'est Vicky. Ouais. C'est bien triste. Ça, c'est dommage. En fait, bon, au moins, elle a l'air d'avoir profité de la vie. Elle a profité de la vie. Ouais. Et nous, avec autour. Ouais. Mais on en aurait pris plus. Voilà. Donc, ça va être dans un mois pour la partie 3. J'imagine que dans deux semaines, ça va être un autre article sur un autre sujet, si je comprends bien ce que tu me dis. En fait, non, c'est toujours sur Vicky, mais ce ne sera pas sur la dernière année 2012, parce que j'avais encore des anecdotes à raconter. Donc, il y a des choses assez drôles aussi, des cadeaux qu'elle nous a fait, de la bouffe qu'elle nous cuisinait. Donc, je vous raconte ça dans deux semaines. Merveilleux. Donc, Sébastien, tu nous as amené une petite pièce à nous faire découvrir. Tu m'as demandé si on jouait ça, c'est fou et non. Ben oui. Pas encore. Ben oui, c'est ça, c'est du gros rap sale du Myland, de Loud Larry Ajust, et puis je me disais que Vicky aimerait ça ou haïrait ça, puis ça serait la même chose, on la mettrait pareil, puis on s'en écœurerait. C'est avec Fanny Bloom qui fait sa smat à travers tout ça. C'est du gros rap ignorant. Un peu de vulgarité par moment, peut-être. Ouais, c'est absolument pas édifiant, mais mets ça fort dans tes oreilles, il se passe quelque chose. OK, je peux pas contrôler votre volume à la maison, fait qu'arrangez-vous avec le bouton. Ouais. Merci Mathieu. Je peux juste gaffer. Merci à toi Sébastien, tu l'as dans deux semaines. Ouais. Ok, maintenant que shit is just dumb. Toutes les ex-bitches sont broke. Avec le get, le don't back, tu fuck that shit. Au pêche, te rembourse en bloc. Gotta get the money, they show. Yeah, fuck a bitch, you just go. Yeah, fuck a bitch, you just go. Spooky life, stack go. Ça, tu me parles de brand, mais c'est pas. J'fais 60 racks in my pocket. Arrête de parler, j'm'en calisse, man. I'ma go so dumb, retarded. Spooky whip, the S70 in maison monte sur le coup. Yeah, j'fight around, j'get real drunk, puis j'crash the whip dans un trou. Yeah, I just bought myself a set de blow. Ça va get tipsy dans le Bentley à Ginette Renault. Yvon Deschamps, what up? Judy Richard, deux, trois spooky bitches traînent sur c'est mon tout petit pénis. Love, la vie est juste. De quoi tu parles, y'a pas de haters. À part ton père, fuck ton père, c'est pas le seul qui a vu ta mère naked. Then I ride around in the spaceship. Super laser, c'est le dash, baby. Pew pew on my mind. Boy, j'pense que c'est le même pis du rap. Let's go. Where the fuck am I going? I'm about to get in my zone. J'ai des purple drinks pis des deux grosses bitches. Where the fuck am I going? Le jour ta fille c'est une princesse, mais la nuit ta fille c'est une freak. C'est Montréal qui l'a corrompu, faut pas qu'elle se retrouve dans mon lit. So I'm like la poussière doit redescendre. Je dois remettre de nos cendres. Let's get fucking faded, Saint-Laurent. Le sol va shaker dans le Chinatown. Oiseaux de nuit, all eyes on me. On pump the bass quand on ride around. We on the night, pause the mo. High off life and then pop some more. OD on that codeine, yeah that's cold swimming. Dans la passion mauve, it's going down. Down for real, fast life. Centreville, $100 bills. Pour the cocktail, on la moitié. Just pour cent dans mille, man. Dark times, black Hennessy. Alright, after ecstasy. Une tempête dans un verre d'eau. With that special delivery, yeah. And we all look at Alex. Depuis sur le gaz, yeah we all in. On s'ennuie, so on link up. Plastic cup full of downers. Entertaining, I pay up, live fast, die slow. Bientôt on décolle. Screaming fuck the world, I said fuck the world. Alright, alright, been living the fast life half my life, huh? For the fire, marche arrière, mais sous les flashing lights, c'est all the rationalize, huh? That's all we know. Fast lane sur un lonely road, mais c'est jamais over. Jamais over till we overdose. Now where the fuck am I going? I'm about to get in my zone. J'ai the purple drink, pis les deux grosses bitches. Where the fuck am I going? Le jour ta fille c'est une princesse, mais la nuit ta fille c'est une freak. C'est Montréal qui l'a mère corrompue, faut pas qu'elle se retrouve dans mon lit. So I'm like, la poussière purple drink and soda. Ha. Silence, stage is mic cause I'm styling. MC Hammer, so save your talk. Tu peux pas me toucher dans le Milan. Bad girl, Gollywood dans ma voiture. Fake drive, drive comme Ryan Gosling en criant get James Hammond money. Ha. Lord Larry Aegis, Gulliver Association. Gris au money, j'parle pas petit déjeuner. La vie est courte, mais la nuit est jeune. Se remplit les coupes, qu'on se vide le cœur, qu'on en brise une coupe. We don't care, les fenêtres baissées en train de faire des signes. On feel invincible tonight. Say words, you're immortal, preach. An overdose that peach. So on kneel down to the floor. Puis je remercie mon boy Nietzsche. Montréal, j'pars toutes mes sens. Cheap champagne, poussière d'ange. Tellement de choses crush dans mon drink que ça fait de la grosse mousse orange. Mile inside is Saint Laurent. Raffinement dans mes goûts. En écoutant du Nirvana, mon chum il dit qu'il est in bloom. On vient d'entendre Loud Larry Adjust featuring Fanny Bloom et la pièce Cendre. C'était Assemblage requis dans la chronique de Sébastien Dulude. Va voyager, j'y suis. On vous rappelle que c'est dans deux semaines, sa prochaine chronique, tous les mercredis, aux deux semaines, à 8h30. Ce sera Vicky Was Here, partie 2. Et puis après ça, deux autres semaines après, ce sera partie 3. On va suivre ça aussi dans le Zone Campus, disponible en kiosque un petit peu partout dans le campus, le QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières et sur zonecampus.ca. Voilà pour cette chronique. On continue en musique avec un petit peu de palmarès francophone et on s'en va entendre un extrait qui se nomme Ciao Bye Ciao. C'est par ponctuation. On écoute ça de Rattler. 89 FM. Wouhou! We'll be right back.

regarder dans un verre pour déformer ce qu'on voit. Un peu nonchalant. Vivre dans peur de manquer de quoi. L'indépendance reste une solitude qui émerveille. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute petite voix. Des bonhommes la tête en bas regardent leur destin de haut, marchant à reculons, petits pas, grandes ambitions. Des bonhommes la tête en bas regardent leur destin de haut, marchant à reculons, petits pas, grandes ambitions. C'est un peu révoltant, même pas y penser, pas se poser la question. Après un bout de temps, prendre pour acquis ses fréquentations. L'indépendance reste une solitude qui émerveille. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui révèle. C'était la chanson thème de la chronique L'Index d'Anne-Julie avec Anne-Julie Durocher. La chanson s'appelle L'Index par Jésus Bench 400 livres sur l'album. Leur seul album en fait, Grosse Ville EP, sorti vers 2009. Genre, j'ai trouvé un article de journal qui parlait de ça en avril 2009, donc j'imagine fin 2008, début 2009. Allez voir le lien pour la chanson et pour le groupe sur assemblagerequis.com, groupe qui est défunt maintenant, décédé, rest in peace, comme on dit. Mais pas Palmer Rest in Peace, ça c'est une autre chronique. Ceci, c'est des paroles des autres où on passe une chanson thème d'une chronique, d'une émission ou d'un fond, n'importe quoi, dans l'univers Mathieu Plante. Ça, c'est moi. Voilà. On continue avec une autre chronique. On enfile les chroniques aujourd'hui comme ça ne se peut pas. Tout de suite, à l'instant, voici Ça existe, mais ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. C'est la chronique où on se crée des besoins, littéralement. On a de l'argent qui nous perce les poches de pantalon. Et on a trouvé une façon de s'en débarrasser. Donc, commençons tout de suite avec une façon de manger des nouilles ramen. Vous savez, manger des nouilles ramen, c'est bien le fun. C'est bien le fun avec des baguettes, peut-être. C'est cool. C'est encore plus cool qu'avec une fourchette. Mais par contre, c'est difficile de manger le bouillon avec des baguettes. Et là, faut te mettre le bol à ton menton. Et là, ça fait du dégât partout. C'est dégueulasse. Qui aime ça avoir du jus de ramen dans la craque de brassière? C'est n'importe quoi. Donc, pour ceux qui n'aiment pas avoir le menton mouillé, c'est Julian Lechner qui a créé les soup straws. C'est comme des baguettes qu'on utilise pour manger des plats asiatiques, mais il y a une série de trous au bout et qui va canaliser le bouillon délicieux, mais sans les petits motons qu'il y a au fond. Donc, tout ça vers votre bouche, sans le détour vers votre menton. C'est génial. C'est pas encore un produit commercialement disponible. Par contre, ils sont sur... non, en fait, ils sont même pas sur Kickstarter. On espère qu'ils vont venir sur Kickstarter. Pour l'instant, il y a des photos. Donc, j'imagine un prototype qui a été créé à la main. Mais l'idée est vraiment bonne. C'est donc des bâtonnets, des baguettes pour manger des ramen. Ensuite de ça, tiens, les chasseurs, vous savez, ça existe encore aujourd'hui. Même qu'à l'université l'année passée, il y avait encore des pancartes sur les toilettes qui disaient genre « Chasser, c'est bon, c'est humain, etc. etc. » Bon, vous avez peut-être votre opinion là-dessus, votre avis. On n'est pas là pour partir en débat. Mais on retourne en 2006 pour parler de ce produit-là qui n'est pas encore sur le marché. C'est ce qu'on appelle les « season shots ». Donc, non seulement tu veux un animal, c'est le nouveau français, ça. Donc, tu veux un animal, ça va laisser des traces d'acier dans l'animal et ça va peut-être goûter l'acier. Donc, à la place, les season shots, c'est des petites palettes, des petites balles. À l'intérieur, il y a de l'assaisonnement, donc supposément, ça se désintégrera pas sous le stress extrême de se faire éjecter d'une arme. Donc, à la place d'avoir du métal dans votre animal, vous allez avoir du cajun, du citron, poivre, du cajun, je pense pas qu'on puisse dire du cajun, mais des épices à la cajun. Citron, poivre, ail, teriyaki ou encore miel et moutarde. Je tripe sur le miel et moutarde. J'aimerais ça s'il y avait aigre douce aussi, si je peux leur fournir mes suggestions. Donc, 7 ans plus tard, on parle de 2006 que ce produit-là a été annoncé. Ça existe toujours pas de date de sortie, toujours pas de prix pour l'instant. On va suivre ça. Si ça existe un jour, on vous en parlera. Maintenant, vous savez, vous aimez, je vous apprendrai rien en vous disant que vous aimez les croquettes de poulet. Hein, je pense que ça englobe pas mal toute la population, trifluvienne et ailleurs. Les croquettes, c'est toujours bon. Peu importe ce qu'il y a dans la croquette, ça peut être du poisson, ça peut être des patates. Il y a des croquettes de patates, là, c'est des bêtes. Bref, le reste du monde boit de la soupe, comme on l'a appris tantôt avec les ramen, dans un bol. Et des fois, ça va tomber sur le menton. C'est difficile. PFK, au Japon, sert maintenant de la soupe frite. Oh oui! Petite croquette brune dorée de soupe qu'on peut servir avec ses mains. C'est pas génial, ça? Évidemment, peut-être que vous allez vous brûler la langue. Faites attention. Là, on peut pas passer la cuillère, faire des tours de cuillère comme dans un bol de soupe pour la refroidir. Mais bon, faut ce qu'il faut des fois pour manger des croquettes. Ça va être disponible pour un temps limité seulement au Japon et c'est en ce moment même. Donc, dépêchez-vous. Manquez pas votre avion. Les GoPros sont très à la mode depuis quelques années. Se prendre soi-même en vidéo et, Caroline, partager ça sur Internet en qualité 1080p sur YouTube. Les caméras numériques donc, sont à peu près dans chaque gadget, que ce soit votre iPhone ou Android. Donc, une caméra portable, par contre, ici, qui peut prendre votre propre point de vue entre les deux, comme c'est pas la GoPro, parce que c'est attaché à votre chandail. Et vous pouvez mettre ça n'importe où. En fait, c'est vraiment super simple. C'est la Mi Cam, caméra compact, on peut attacher aux vêtements, porter en tant que collier. Ça filme en 720p, donc pas du 1080, mais presque, ou pas vraiment. 65 degrés d'angle de vision, et ensuite, ça capture l'audio jusqu'à 20 pieds de distance. Et la MegCam a un anneau de lumière infrarouge autour de la lentille qui va aider à capturer des vidéos lorsqu'il y a moins de lumière. C'est génial tout ça. Donc c'est comme à mi-chemin entre la GoPro et les lunettes de Google, les Google Glass. Ça va envoyer le contenu via USB à votre ordinateur. Ça coûte seulement 50 $ américains, donc beaucoup, beaucoup moins cher que la GoPro. Ça, c'est pour le modèle 4 Go qui capture environ une heure de vidéo. Pour 10 $ de plus, donc pour 60 $, on peut avoir jusqu'à 8 gigs et 20 $ de plus encore. Donc 70 $, ça vous donne 16 gigs pour 4 heures de vidéo. C'est quand même vraiment pas cher pour une caméra qui filme en 720p. Reste à voir la qualité. Allez voir la vidéo que j'ai postée sur assemblagerequis.com pour vous faire votre propre avis. C'est donc la Mi Cam qui est disponible sur leur site web en ce moment. Et leur site web se trouve au micam.me. Micam.me. Donc deux fois le mot Mi. Si vous faites la vaisselle et que vous n'avez pas de lave-vaisselle, hein, ça c'est, moi j'ai un lave-vaisselle, mais je m'adonne à faire de la vaisselle quand même. Là, je lave les tasses, c'est des affaires comme les chaudrons. Bon, peut-être que vous êtes dans la même situation, mais on aimerait peut-être faire la vaisselle avec un petit peu plus de classe. Tu sais, on parle des fois du gentleman urbain, c'est bien à la mode en ce moment. Non, c'est pas une nouveauté au Canal Nouvelle. Non, c'est le vrai gentleman. En tout cas, bref. Peu importe. Le dish whisky. Je comprends même pas ma propre blague, fait que je vais laisser faire. Le dish whisky qui est dans le fond du savon à vaisselle, mais qui sent le whisky. Donc, c'est ça dit ici que c'est inspiré par le whisky, filtré au charbon qui a pris aged. Ça a vieilli dans un baril. Bref, c'est inspiré par ces odeurs-là. Ça vient de la compagnie Archer, les mêmes gens qui nous ont présenté des rafraîchisseurs d'air pour hommes vraiment virils. Dans le temps, on avait déjà parlé. Donc, c'est sûr qu'on peut pas boire son eau de vaisselle à la fin. Au moins, ça va sentir bon pendant qu'on la fait. Tu sais, le citron, à un moment donné, c'est bien bon. On s'en vite. J'ai fait l'erreur d'acheter du push-push pour laver la table et le comptoir à senteur de citron. Ça tombe un peu sur le cœur assez vite. Ensuite, un bracelet maintenant. Essayons de trouver des solutions. J'oublie tout le temps le concept de trouver des solutions. Ici, vous voulez avoir un mot de passe plus, tu sais, très sécuritaire, mais vous voulez pas avoir à vous en rappeler. Donc, c'est le bracelet NIMI qui remplace votre mot de passe avec votre battement de cœur. C'est la compagnie Bionim qui amène la sécurité à un autre niveau encore avec NIMI qui combine la détection de proximité par Bluetooth aux électrocardiogrammes pour créer un nouveau processus d'authentification. Donc, l'appareil est supposé être porté comme bracelet. Il va mesurer le rythme cardiaque de la personne qui le porte. Donc, le rythme cardiaque qui est unique à chaque personne, comme, mettons, moi. Je sais pas c'est quoi mon rythme cardiaque, mais il fait que j'ai vraiment de la misère à respirer par moment. Puis quand je suis seul, ben ça paraît. C'est le fun, hein? Donc ce rythme-là est utilisé comme mot de passe, si on veut, pour débarrer numériquement et physiquement les appareils. Que ce soit des téléphones intelligents ou des ordinateurs portables, des portes ou d'autres objets. Une fois que NIMI reconnaît le battement de cœur de la personne, ça va communiquer sans fil pour débarrer les appareils qui sont autour. Et ça va continuer de fonctionner jusqu'à temps que la personne qui le porte l'enlève ou que quelqu'un d'autre se mette à le porter. Et à ce point-là, ça va détecter le différent rythme cardiaque de la personne et ça va barrer l'appareil. Donc, si, mettons, quelqu'un te vole ton bracelet ou peu importe, le bracelet détecte que ça a changé de main et ça ne fonctionnera plus. C'est fantastique et c'est le futur. Et c'est encore plus le futur, certains diraient, que ce que Apple a annoncé récemment avec son iPhone 5S et l'empreinte digitale. Quoique moi, je trippe pas mal là-dessus, pour vrai, acheter sur le App Store sans avoir à entrer un mot de passe, parce qu'on s'entend que si, dans le fond, le iPhone va te barrer après genre 10-15 minutes, et si tu veux essayer plusieurs démonstrations ou acheter plusieurs applications, il faut que tu rentres ton mot de passe plusieurs fois, et là, t'as la majuscule, puis c'est difficile, le clavier est jamais vraiment exact, je suis tout en train de m'enfarger dans les lettres, puis il n'y a pas de correction pour le mot de passe, t'es comparé, mettons, un message texte, ça va te corriger si tu l'écris pas comme il faut. Le mot de passe, il faut que tu fasses attention, puis ça devient gossant. Fait que juste mettre ton doigt sur le bouton, moi, je trouve c'est quand même une bonne avancée. Puis le NFC, là, dont tout le monde parle, il n'y a pas encore de Near Field Communication dans l'iPhone. Mais ouais, mais tu t'en sers-tu de ton mot NFC? Non, ben, Apple, mais juste des affaires que tu te sers. Et ben, voilà. Éditorial ici, à l'intérieur d'une chronique qui n'est pas du tout technologique. Bon, fais celle-là un peu, quand on y pense. Regardez cette prochaine chose qui, ma foi, est plutôt technologique et va vraiment changer la vie des gens qui ont le Parkinson. Donc, les gens qui ont le Parkinson ont souvent de la difficulté à se nourrir eux-mêmes parce qu'ils ont, bon, évidemment, vous savez, ils tremblent, c'est associé avec la maladie. Et souvent, ça va devoir être quelqu'un d'autre qui va les nourrir et ça devient un petit peu comme plate, peut-être pas humiliant, mais par moments, ça pourrait l'être. Lift Lab innove avec Liftware Spoon. C'est une cuillère équipée d'un sensor qui va détecter, mais vraiment efficacement, nous dit-on, très, très sensible, ça va détecter les mouvements. Donc, ça va détecter le plus simple tremblement, et ça va aller automatiquement dans l'autre direction sans faire, dans le fond, une annulation du mouvement, si on veut. Parlant des tests, Liftware, dans le fond, ils ont appris que ça réussit à détecter au-dessus de 70% de ces tremblements-là. Et c'était assez pour que les gens qui ont le Parkinson puissent se nourrir eux-mêmes. Sérieusement, c'est fantastique. Ça va être disponible le mois prochain en octobre pour 300 $. Ça va venir avec une application gratuite. qui va, dans le fond, prendre en note tous vos tremblements et ça va permettre à ceux qui ont Parkinson ou d'autres conditions similaires de surveiller leurs symptômes sur une longue période et donc voir si ça empire ou si ça s'améliore avec les traitements. Bref, pour vrai, moi, des avancées comme ça, donnez-moi en plus, s'il vous plaît. Des gadgets inutiles, c'est bien le fun, là, mais des fois, j'aime ça parler d'avancées. Maintenant, tiens, si vous trouvez que vos jeux vidéo et autres, je sais pas, DVD ou disques qui sont un petit peu moins classe que les livres, ben justement, ont pas de place et que vous voulez les mettre dans votre bibliothèque à côté de vos merveilleux livres que vous avez achetés, je vous accuserai pas de vouloir avoir l'air intelligent. Vraiment pas. Pas du tout, en fait. Je devrais en avoir plus, hein. Mais si vous aimez mieux un look donc intellectuel par rapport à vos jeux vidéo, vous pouvez télécharger et imprimer des couvertures de jeux vidéo par un amoureux des jeux qui s'appelle James Bitt. Et puis, ils sont faits pour avoir l'air des livres d'une compagnie très, très reconnue, Penguin Books. Ils ont des couvertures de livres très, très classe. Et donc, c'est ça, ben, quand même, vos jeux vidéo vont avoir l'air plus classe. C'est tout simple, ça. C'est des PDF. Il faut payer pour, malheureusement. Ben, pas malheureusement, quand même, le gars a travaillé fort là-dessus. Ou encore a piqué un template, tu sais. Je vais juste changer de couleur dessus, mais bon. 6$ pour 3 couvertures que vous pouvez vous faire envoyer les PDF et les imprimer vous-même. Et sinon, c'est 1,50$ par couverture. Maintenant, génial dans ce cas-ci encore. Pour vrai, j'ai trouvé des petites perles cette semaine. Quoique le mérite vient au blog que je suis. Là, aux nombreux blogs que je filtre pour trouver du bon contenu dans cette chronique-là. Pas toujours évident. Donc, les Smart Lids ici. Si vous avez un café le matin, vous vous demandez, Colin, est-ce qu'il est encore trop chaud pour que je le boive? Tu vas au dépanneur, souvent leurs cafés sont vraiment bouillants pour prévoir, dans le fond, que vous l'ameniez jusqu'à la job, jusqu'au travail, pour pas qu'il arrive froid là-bas. Ils mettent beaucoup, beaucoup trop chaud. Et vous vous brûlez la langue ou les lèvres. C'est comme ça que ça arrive. Le Smart Lid espère vous donner un petit genre, un petit indice visuel, un petit cue, comme on dirait, vous informant de la température de la boisson avant que votre corps serve de thermomètre lui-même. Donc, le couvercle devient rouge quand le contenu est au-dessus de 120 degrés Fahrenheit ou 48 degrés Celsius. Les couvercles viennent en paquet de 1000. Donc, c'est soit seulement le couvert seul ou le couvert avec un livre de 8 onces ou de 12 onces. Les prix commencent à 62$ pour 1000, c'est quand même pas cher. Donc, c'est plus pour les restaurants qui vont pouvoir acheter ça et fournir ça, ou même les dépanneurs. Mais il y a un emballage de 40 couvercles et verres pour 30$. Ça, peut-être que pour quelqu'un comme vous et moi qui se fait du café à la maison, c'est sûr que c'est aucunement écologique. Je recommande vraiment, vraiment pas d'acheter ça pour la maison. Achetez une tasse de marque Thermo, si je peux faire une publicité ici, qui garde ton café chaud pendant genre 10 heures de suite, que c'est même pas croyable, ça coûte genre 20$, tu en as pour, ça fait je pense 6 ans je l'ai, ça paraît même pas à la neuve. Hein? C'est-tu de la belle pub ça? Pour vrai, faites ça, achetez pas ce que je viens de recommander là. Attendez que les dépanneurs le fournissent, là, ça va être assez. Maintenant, génial. Vous savez que le iPhone 5S sort dans le coin du 20 septembre, pas mal exactement, fait dans le coin du 20 septembre. Apple l'a annoncé récemment. Et là, les cases du iPhone 5 vont fonctionner encore, évidemment, parce que l'extérieur change pas, seulement l'intérieur et le logiciel qui change. Donc ici, je vous propose un case, un truc pour mettre sur votre iPhone, bref, pour le protéger. Le designer Danny Tasmakis qui a créé ça et c'est vraiment à acheter en ce moment. C'est pour seulement 19,29$. Je vous dis ce que ça fait. Grosse bordure tout le tour pour vraiment protéger. Et à l'intérieur, sur l'arrière du téléphone, ça va donner des gears. Tu sais, comme dans une montre, là, évidemment, il fallait bien que je dise le mot gear pour pas le retrouver en français. Là. Mais vous savez, des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres, c'est comme des ronds, ça tourne. Là. Engrenage! Tu vois, moi, je décris et après ça, ça me vient. T'sais. Donc, engrenage. Et les engrenages sont vraiment bougeables. On peut vraiment les bouger. Et ça fonctionne aussi comme calculatrice analogue parce que les engrenages ont chacun un petit numéro dessus, le nombre de dents. Donc, vous pouvez comprendre les ratios et des trucs comme ça, mathématiques. Et vous n'avez même pas à allumer votre téléphone parce que tout ça fonctionne. Je sais pas si c'est fait en fait, je pense que c'est du plastique. Parce que le gars a créé ça avec un logiciel 3D. Et vous pouvez télécharger le modèle 3D, si vous avez une imprimante 3D, et le faire à la maison gratuitement. Sinon, vous pouvez l'acheter, il va le faire lui-même chez lui et va vous l'envoyer pour, comme je disais, 19,29$. Mais sérieusement, c'est vraiment cool. Et tu sais, t'as plus de batterie, t'as besoin de jouer à ton iPhone, mais jouer avec les engrenages, tu vas comprendre en même temps, tu sais, l'engrenage d'en haut à droite et qu'on subit en bas à gauche, bon, tu vas pouvoir deviner est-ce qu'il va tourner à gauche ou à droite en déduisant comment les engrenages sont imbriqués. Je trouve ça fascinant, c'est super cool. Ensuite, sur le blog theworstthingsforsale.com, on nous mentionne le galon d'huile à saveur de beurre. Donc, tu sais, le même genre qu'on utilise au cinéma. Pas fantastique, ça, vous pouvez avoir. Tu sais, quand on achète un emballage de popcorn extra beurre à l'épicerie, c'est jamais assez beurré. Donc, rajouter de l'huile dedans. Sérieusement, un galon d'huile de légumes, OK, ça contient 30 000 calories. Fait que compter combien ça va être par tasse, là. Il y a un commentaire sur le site qui dit « Ça fait à peu près 6 semaines que je l'ai acheté, il faut que j'en commande d'autres. » Ça, ça veut dire que soit il consomme 700 calories d'huile par jour ou 4200 calories à chaque fois qu'il regarde un film par semaine. Le gars, en tout cas, bonne chance pour te relever après. Maintenant, vous êtes à l'aéroport, où, n'oubliez pas que le « E » est avant le « R ». Petite leçon de français dans une chronique de gadgets, c'est vrai. Donc, les aéroports sont souvent remplis d'activités. Il y a des enfants qui crient, les gens qui courent partout, les bagages qui font du bruit. Ah, c'est une place vraiment pas relaxante. Le designer Uriel Serrano veut changer ça avec ce qu'on appelle Slater Airport Lounge. C'est un concept pour l'instant, mais à la base, disons que c'est un genre de pod de vie privée. Tu sais, un pod, c'est comme une place solitaire refermée sur toi-même, un genre de cellule, si on veut, qui va donner aux passagers leur propre petit espace privé pendant qu'ils attendent à l'aéroport. Donc, il y a des prises de courant dedans. Il y a des trucs pour barrer vos bagages en sûreté. Et bien sûr, du Wi-Fi pour aller voir vos courriels, aller sur Internet, jouer à des jeux. Il y a un système de réveil matin ou d'alarme, si on veut, pour pas que vous manquiez votre vol si jamais vous vous endormez dans ce pod-là. Mais pas juste pour l'aéroport. Sérieusement, ça pourrait être... Moi, je pourrais avoir ça chez nous. Tu sais, mettons, après une chicane de couple. Non, pas vrai. Mais quand tu veux vraiment être seul, c'est une bonne idée. Tiens, quand on change de calendrier, à chaque année, on s'entend qu'on gaspille du papier, des calendriers. C'est, tu sais, on a ça dans la maison à quelque part. Je m'en sers pas nécessairement parce que tout le monde en a sur son iPhone portable ou peu importe. On a 1000 calendriers dans la vie, mais oui, encore une fois, les gens utilisent des calendriers papier. Il faut les changer, ça gaspille du papier. La designer Ilia Berman a trouvé une façon de contourner le problème avec ce qu'elle appelle le produit Forbuary. OK? Ou Brewery, dépendant des gens comment vous le prononcez, Brewery. Brewery. C'est un calendrier qu'on peut utiliser à chaque saison, à chaque mois de l'année, pendant plusieurs années. Vous savez que les calendriers se répètent hein, à chaque. Là, je me rappelle pas, là, c'est un fait quand même ici. Là. Mais donc, à chaque quelques années, les calendriers sont les mêmes. Donc, bref, c'est un cadre bougeable, donc transportable, tassable, qui s'ajuste pour fitter au mois. Donc, vous avez deux plaquettes, et sur une des plaquettes, tu as un entouré rouge. Avec, dans le fond, OK. Je vais essayer de vous l'expliquer, là, mais à l'arrière, t'as comme une longue, longue plaquette qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9. Ça continue, c'est tout le temps décalé. Et par-dessus, tu peux avoir le cadre avec une ligne rouge qui va noter les fêtes de semaine. Donc, tu tasses la ligne rouge pour dire où est ta fête de semaine et ton calendrier va commencer là. OK? Est-ce que c'est assez bien expliqué? C'est dur. Ah, radio, bon. Donc, la bande rouge qui surligne la fête de semaine va être la chose à retenir. Et pour l'instant, c'est un concept et je suis sûr qu'un jour, ça va être disponible parce que ça ne peut pas ne pas se faire. C'est trop une bonne idée. Vous avez un répondeur à la maison, vous avez de la difficulté à comprendre la personne qui vous parle parce que, un peu comme moi en ce moment, il parle beaucoup trop vite. Hein? Donc, ou encore, il donne trop d'informations, numéro de téléphone, adresse, date de naissance, je sais pas trop quoi. Trop d'informations à noter. Il vous faut le Slow Playback Answering Machine Telephone. Hein? C'est pas super comme nom, ça, c'est très très descriptif. T'sais. Ça amplifie le volume du message pour commencer de 50 décibels. Donc, vraiment, vous pouvez mieux entendre le message dès le départ, un point pour eux. Ensuite, ça décélère la vitesse de lecture de 50% quand tu appuies sur un bouton. Donc, ça va parler beaucoup plus lentement. T'as aussi un indice visuel, une lumière très, très brillante sur le combiné de téléphone, parce que ce téléphone sans fil. Sur le combiné, t'as une lumière et sur la base aussi, pour t'indiquer qu'un appel est entrant. Et évidemment, il cible les personnes âgées avec les gros, gros numéros sur l'appareil et le ralentissement et le volume et tout ça, ça fait très, très personnes âgées. Mais pour vrai, ça pourrait vraiment être utile si t'es en train d'écouter un film ou peu importe, n'importe quoi, tu veux pas être dérangé par la sonnerie, mais tu veux voir si jamais quelqu'un t'appelle. Badaboum, badabing, voilà ta solution. Ou encore dans un studio de radio où on voit jamais quand quelqu'un nous appelle. Indice comme ça. Donc, c'est le Slow Playback Answering Machine Telephone. Fantastique. En même que les boutons parlent quand t'appuies sur un bouton. Donc, ça va faire genre 9. Un peu comme genre les palmarès, c'est fou, tu sais. 8. Non? Okay. Il nous en reste un dernier pour les gens qui aiment prendre des notes et qui oublient leur post-it partout. Moi, j'ai tendance à faire ça. Et vous savez, l'application de notes sur l'iPhone, mais pour voir tes notes, Caroline, il faut que tu les ouvres. Parce que Apple n'est pas encore assez intelligent pour faire des widgets. Tu sais, je peux faire des pins contre Apple, même si je les ai complimentés un petit peu plus tôt dans la chronique. Tu sais, je peux faire les deux, tu sais. Donc, l'application de notes, c'est ça, c'est plate, faut l'ouvrir. Je le fais jamais. À la place, souvent, je vais coller un post-it à l'arrière de mon téléphone. Pour vrai, je fais vraiment ça dans la vraie vie. Je prends un post-it, je le colle, j'écris ce qu'il y a dessus, je le replie par en dedans lui-même et je remets ça dans ma poche. Quand j'arrive à la maison, badaboum, voilà, c'est là. Ici, j'abuse du badaboum, badaboum, vous me direz. Ici, c'est le iPhone Paperback Notes qui, dans le fond, est 80 feuilles de papier adhésif. Peut-être pas de marque 3M comme les vrais post-it, là, mais bon, on peut s'attendre à ce que ça colle quand même à l'arrière de votre iPhone 5 ou 5S, comme je disais, même forme, 8 $ à acheter sur le lien sur assemblagerequis.com. Je vous dirai pas les liens de tous les sites, là, ce serait un petit peu embourbant. Donc assemblagerequis.com, dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Allez voir ça, c'est là, tout est là, dans l'ordre même que j'ai mentionné, parce que j'en ai pas sauté aucun. Je suis tout seul, fait que je peux toutes les faire. ça a du bon, des fois. Une fois de temps en temps, pas trop souvent. Donc voilà, pour 6000, ça ne devrait pas. On fait ça une fois par semaine environ, si on veut. Assemblage requis. Maintenant, Colin, le temps file. 9h28, ça va être l'heure de se dire au revoir pour cette édition d'Assemblage requis du mercredi matin. Je vous rappelle qu'on est en direct du lundi au jeudi entre 6h30. En fait, on est en direct entre 7h30 et 9h30. Pour ceux qui se demandent pourquoi que l'heure numéro 2 rejoue le lendemain, c'est ça. Entre 6h30 et 7h30, c'est la dernière heure de l'émission d'avant qui rejoue. Je remercie évidemment nos chroniqueurs d'aujourd'hui, Véronique Mire et Sébastien Dulude, Stéphanie Paradis, qui malheureusement, encore une fois, est malade aujourd'hui. Donc, on la retrouvera demain, peut-être même demain matin, parce que Jean-Philippe Charbonneau ne sera pas là demain non plus. Donc, fort probablement que Stéphanie Paradis va co-animer avec moi et évidemment les Palmarès font l'après-midi. Moi, je vais de retour tout à l'heure à 16h pour le Mathieu Plante Show, l'émission où on parle de choses geek, télévision, technologie, le nouveau iPhone, c'est sûr qu'on va en parler tantôt. Donc, c'est à 16h au Mathieu Plante Show. D'ici le dernier janvier et le dîner de con à partir de 11h. En après-midi, il y a quelques émissions que vous avez peut-être manquées. Entre autres, La vie en mauve. C'est pas mal la seule pour l'instant. Parce que le voyage de cet été n'est pas encore revenu. Et puis, c'est ça. Passez une belle journée. À demain, 6h30. Ciao! Oh, on va se quitter avec une pièce, j'oubliais. Attends un peu. Le ciao, toi, là. Monsieur Ciao. On se quitte avec Phoenix. C'est une nouvelle entrée de la semaine passée. C'est Try to be cool. À demain, bye.